Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent. Place de la République, un lundi de septembre à 18h30, les voitures n'avancent pas, le soleil a mis son pyjama rouge. Je me sens comme un sac en plastique qui vole au vent.